Il acceptait avant que la phrase fût achevée. Arnoux semblait le prendre en affection. Il lui montra l'art de reconnaître les vins, à brûler le punch, à faire des salmis de bécasse. Frédéric suivait docilement ses conseils, aimant tout ce qui dépendait de Madame Arnoux, ses meubles, ses domestiques, sa maison, sa rue. Il ne parlait guère pendant ses dîners. Il la contemplait. Elle avait à droite, contre la tempe, un petit grain de beauté. Ses bandeaux étaient plus noirs que le reste de sa chevelure et toujours comme un peu humides sur les bords. Elle les flattait de temps à autre, avec deux doigts seulement. Il connaissait la forme de chacun de ses ongles. Il se délectait à écouter le sifflement de sa robe de soie quand elle passait auprès des portes. Il humait en cachette la senteur de son mouchoir. Son peigne, ses gants, ses bagues étaient pour lui des choses particulières, importantes comme des œuvres d'art, presque animées comme des personnes. Toutes lui prenaient le cœur et augmentaient sa passion. Il n'avait pas eu la force de la cacher à des lauriers. Quand il revenait de chez Madame Arnoux, il le réveillait comme par mégarde, afin de pouvoir causer d'elle. Des lauriers qui couchaient dans le cabinet au bois près de la fontaine poussaient un long bâillement. Frédéric s'asseyait au pied de son lit. D'abord, il parlait du dîner, puis il racontait mille détails insignifiants où il voyait des marques de mépris ou d'affection. Une fois, par exemple, elle avait refusé son bras pour prendre celui de Dietmer et Frédéric se désolait. Ah, quelle bêtise! Ou bien elle avait appelé son ami. « Vas-y gaiement alors. »« Mais je n'ose pas, » disait Frédéric. « Eh bien, n'y pense plus. Bonsoir. » Des lauriers se retournaient vers la ruelle et s'endormaient. Il ne comprenait rien à cet amour, qu'il regardait comme une dernière faiblesse d'adolescence. Et, son intimité ne lui suffisant plus, sans doute, il imagina de réunir leurs amis communs une fois la semaine. Ils arrivaient le samedi, vers 9 heures. Les trois rideaux d'Algérienne étaient soigneusement tirés. La lampe et 4 bougies brûlaient. Au milieu de la table, le pot à tabac, tout plein de pipes, s'étalait entre les bouteilles de bière, la théière, un flacon de rhum et des petits fours. On discutait sur l'immortalité de l'âme. On faisait des parallèles entre les professeurs. Hussonnet, un soir, introduisit un grand jeune homme habillé d'une redingote trop courte des poignets et la contenance embarrassée. C'était le garçon qu'ils avaient réclamé au poste l'année dernière. N'ayant pu rendre à son maître le carton de dentelle perdu dans la bagarre, celui-ci l'avait accusé de vol, menacé des tribunaux. Maintenant, il était commis dans une maison de roulage. Hussonnet, le matin, l'avait rencontré au coin d'une rue, et il l'amenait, car Dussardier, par reconnaissance, voulait voir l'autre. Il tendit à Frédéric le porte-cigarette encore plein, et qu'il avait gardé religieusement avec l'espoir de le rendre. Les jeunes gens l'invitèrent à revenir. Il n'y manqua pas. Tous sympathisaient. D'abord, le règne du gouvernement avait la hauteur d'un dogme indiscutable. Martinon seul tâchait de défendre Louis-Philippe. On l'accablait sous les lieux communs traînant dans les journaux. L'embastillement de Paris, les lois de septembre, Pritchard, Lord Guizot. Si bien que Martinon se taisait, craignant d'offenser quelqu'un. En 7 ans de collège, il n'avait pas mérité de pensum, et à l'école de droit, il savait plaire au professeur. Il portait d'ordinairement une grosse redingote couleur mastic avec des claques en caoutchouc. Mais il apparut un soir dans une toilette de mariée. Gilet de velours à châle, cravate blanche, chaîne d'or. L'étonnement redoubla quand on sut qu'il sortait de chez M. D'Ambreuse. En effet, le banquier d'Ambreuse venait d'acheter au père Martinon une partie de bois considérable. Le bonhomme lui ayant présenté son fils, il les avait invités à dîner tous les deux. « Y avait-il beaucoup de truffes ?» demanda Deslauriers. « Et as-tu pris la taille à son épouse, entre deux portes, 6 coutes d'échette ?» Alors, la conversation s'engagea sur les femmes. Pellerin n'admettait pas qu'il y eût de belles femmes, il préférait les tigres. D'ailleurs, la femelle de l'homme était une créature inférieure dans la hiérarchie esthétique. « Ce qui vous séduit est particulièrement ce qui la dégrade comme idée. » Je veux dire les seins, les cheveux. Cependant, objecta Frédéric, de longs cheveux noirs avec de grands yeux noirs. Oh, connu ! S'écria Hussonnet. Assez d'Andalouse sur la pelouse. Des choses antiques, serviteur. Car enfin, voyons, pas de blague. Une Lorette est plus amusante que la Vénus de Milo. Soyons gaulois, nom d'un petit bonhomme,

lui dit d'une voix lamentable. « Mais laisse-moi tranquille avec Arnoux. »« Jamais, » répondit Leclerc. « Toujours lui, lui partout, ou brûlante ou glacée, l'image de l'Arnoux. »« Tais-toi donc !» s'écria Frédéric en levant le poing. Il reprit doucement. « C'est un sujet qui m'est pénible, tu sais bien. »« Oh, pardon, mon bonhomme, » répliqua Deslauriers en s'inclinant très bas. « On respectera désormais les nerfs de mademoiselle. Pardon encore une fois, mille excuses. » Ainsi fut terminée la plaisanterie. Mais 3 semaines après, un soir, il lui dit « Eh bien, je l'ai vu tantôt, madame Arnoux. Où donc ? Au palais avec Balandard, avoué. Une femme brune, n'est-ce pas, de taille moyenne ?» Frédéric fit un signe d'assentiment. Il attendait que Deslauriers parlât. Au moindre mot d'admiration, il se serait épanché largement, étant tout prêt à le chérir. L'autre se taisait toujours. Enfin, n'y tenant plus, il lui demanda d'un air indifférent ce qu'il pensait d'elle. Deslauriers la trouvait pas mal, sans avoir pourtant rien d'extraordinaire. « Ah, tu trouves ?» dit Frédéric. Arriva le mois d'août, époque de son deuxième examen. D'après l'opinion courante, 15 jours devaient suffire pour en préparer les matières. Frédéric, ne doutant pas de ses forces, avala d'emblée les 4 premiers livres du code de procédure, les 3 premiers du code pénal, plusieurs morceaux d'instruction criminelle et une partie du code civil, avec les annotations de M. Poncelet. La veille, Deslauriers lui fit faire une récapitulation qui se prolongea jusqu'au matin, et pour mettre à profit le dernier quart d'heure, il continua à l'interroger sur le trottoir tout en marchant. Comme plusieurs examens se passaient simultanément, il y avait beaucoup de monde dans la cour, entre autres Hussonnet et Sisi. On ne manquait pas de venir à ces épreuves quand il s'agissait des camarades. Frédéric endossa la robe noire traditionnelle. Puis, il entra, suivi de la foule, avec 3 autres étudiants, dans une grande pièce, éclairée par des fenêtres sans rideaux et garnie de banquettes le long des murs. Au milieu, des chaises de cuir entouraient une table décorée d'un tapis vert. Elle séparait les candidats de messieurs les examinateurs en robe rouge, tous portant des chaussures d'hermine sur l'épaule avec des toques à galons d'or sur le chef. Frédéric se trouvait l'avant-dernier dans la série, position mauvaise. À la première question sur la différence entre une convention et un contrat, il définit l'une pour l'autre, et le professeur, un brave homme, lui dit « Ne vous troublez pas, monsieur, remettez-vous. » Puis, ayant fait 2 demandes faciles, suivi de réponses obscures, il passa enfin au 4e. Frédéric fut démoralisé par ce piètre commencement. Deslauriers, en face, dans le public, lui faisait signe que tout n'était pas encore perdu. Et à la 2e interrogation sur le droit criminel, il se montra passable. Mais, après la 3e, relative au testament mystique, l'examinateur étant resté impassible tout le temps, son angoisse redoubla. Car Hussonnet joignait les mains comme pour applaudir tandis que Deslauriers prodiguait des haussements d'épaule. Enfin, le moment arriva où il fallut répondre sur la procédure. Il s'agissait de la tierce opposition. Le professeur, choqué d'avoir entendu des théories contraires aux siennes, lui demanda d'un ton brutal. « Et vous, monsieur, est-ce votre avis ? Comment conciliez-vous le principe de l'article 1351 du Code civil avec cette voie d'attaque extraordinaire ?» Frédéric se sentait un grand mal de tête pour avoir passé la nuit sans dormir. Un rayon de soleil, entrant par l'intervalle d'une jalousie, le frappait au visage. Debout, derrière sa chaise, il se dandinait et tirait sa moustache. « J'attends toujours votre réponse, » reprit l'homme à la toque d'or, et comme le geste de Frédéric l'agaçait sans doute, « Ce n'est pas dans votre barbe que vous la trouverez. » Ce sarcasme causa un rire dans l'auditoire. Le professeur, flatté, s'amadoua. Il lui fit 2 questions encore sur l'ajournement et sur l'affaire sommaire, puis baissa la tête en signe d'approbation. L'acte public était fini. Frédéric rentra dans le vestibule. Pendant que l'huissier le dépouillait de sa robe pour la repasser à un autre immédiatement, ses amis l'entourèrent en achevant de l'ahurir avec leurs opinions contradictoires sur le résultat de l'examen. On le proclama bientôt d'une voix sonore à l'entrée de la salle. Le 3e était ajourné. « Emballé, » dit Hussonnet. « Allons-nous-en. » Devant la loge du concierge, ils rencontrèrent Martinon, rouge, ému, avec un sourire dans les yeux et l'auréole du triomphe sur le front. Il venait de subir sans encombre son dernier examen. Restait seulement la thèse. Avant 15 jours, il serait licencié. Sa famille connaissait un ministre. Une belle carrière s'ouvrait devant lui. « Celui-là t'enfonce tout de même, » dit Delaurier. Rien n'est humiliant comme de voir les sots réussir dans les entreprises où l'on échoue. Frédéric, vexé, répondit qu'il s'en moquait. Ses prétentions étaient plus hautes, et comme Hussonnet faisait mine de s'en aller, il le prit à l'écart pour lui dire. Pas un mot de tout cela chez eux, bien entendu. Le secret était facile puisque Arnoux, le lendemain, partait en voyage pour l'Allemagne. Le soir, en rentrant, Leclerc trouva son ami singulièrement changé. Il pirouettait, sifflait, et l'autre, s'étonnant de cette humeur, Frédéric déclara qu'il n'irait pas chez sa mère. Il emploierait ses vacances à travailler. À la nouvelle du départ d'Arnoux, une joie l'avait saisi. Il pouvait se présenter là-bas, tout à son aise, sans crainte d'être interrompu dans ses visites. La conviction d'une sécurité absolue lui donnerait du courage. Enfin, il ne serait pas éloigné, ne serait pas séparé d'elle. Quelque chose de plus fort qu'une chaîne de fer l'attachait à Paris. Une voix intérieure lui criait de rester. Des obstacles s'y opposaient. Il les franchit en écrivant à sa mère. Il confessait d'abord son échec, occasionné par des changements faits dans le programme, un hasard, une injustice. D'ailleurs, tous les grands avocats, il citait leurs noms, avaient été refusés à leurs examens. Mais il comptait se présenter de nouveau au mois de novembre. Or, n'ayant pas de temps à perdre, il n'irait point à la maison cette année. Et il demandait, outre l'argent d'un trimestre, 250 francs pour des répétitions de droit fort utiles. Le tout enguirlandé de regrets, condoléances, chatteries et protestations d'amour filial. Madame Moreau, qui l'attendait le lendemain, fut chagrinée doublement. Elle cacha la mésaventure de son fils et lui répondit de venir tout de même. Frédéric ne céda pas. Une brouille s'ensuivit. À la fin de la semaine, néanmoins, il reçut l'argent du trimestre avec la somme destinée aux répétitions et qui servit à payer un pantalon gris perle, un chapeau de feutre blanc et une badine à pommes d'or. Quand tout cela fut en sa possession, « C'est peut-être une idée de coiffeur que j'ai eue, » songea-t-il, et une grande hésitation le prit. Pour savoir s'il irait chez Madame Arnoux, il jeta par 3 fois dans l'air des pièces de monnaie. Toutes les fois, le présage fut heureux. Donc, la fatalité l'ordonnait. Il se fit conduire en fiacre rue de Choiseul. Il monta vivement l'escalier, tira le cordon de la sonnette. Elle ne sonna pas. Il se sentait prêt de défaillir. Puis, il ébranla, d'un coup furieux, le lourd gland de soie rouge. Un carillon retentit, s'apaisa par degrés, et l'on n'entendait plus rien. Frédéric eut peur. Il colla son oreille contre la porte, pas un souffle. Il mit son œil au trou de la serrure et il n'apercevait dans l'antichambre que 2 pointes de roseau sur la muraille, parmi les fleurs du papier. Enfin, il tournait les talons quand il se ravisa. Cette fois, il donna un petit coup, léger. La porte s'ouvrit et sur le seuil, les cheveux ébouriffés, la face cramoisie et l'air maussade, Arnoux lui-même parut. « Tiens, qui diable vous amène? Entrez !» Il l'introduisit, non dans le boudoir ou dans sa chambre, mais dans la salle à manger, où l'on voyait sur la table une bouteille de vin de champagne avec 2 verres, et d'un ton brusque. « Vous avez quelque chose à me demander, cher ami ?»« Non, rien, rien !» balbutia le jeune homme, cherchant un prétexte à sa visite. Enfin, il dit qu'il était venu savoir de ses nouvelles car il le croyait en Allemagne, sur le rapport du sonnet. « Nullement, » reprit Arnoux, « quelle linotte que ce garçon-là pour entendre tout de travers. » Afin de dissimuler son trouble, Frédéric marchait de droite et de gauche dans la salle. En heurtant le pied d'une chaise, il fit tomber une ombrelle posée dessus. Le manche d'ivoire se brisa. « Mon Dieu » s'écria-t-il, « comme je suis chagrin d'avoir brisé l'ombrelle de Madame Arnoux. » À ce mot, le marchand releva la tête et eut un singulier sourire. Frédéric, prenant l'occasion qui s'offrait de parler d'elle, ajouta timidement « Est-ce que je ne pourrais pas la voir ?» Elle était dans son pays, près de sa mère malade. Il n'osa faire de questions sur la durée de cette absence. Il demanda seulement quel était le pays de Madame Arnoux. « Chartres, cela vous étonne ?»« Moi, non, pourquoi ? Pas le moins du monde ?» Ils ne trouvèrent ensuite absolument rien à se dire. Arnoux, qui s'était fait une cigarette, tournait autour de la table en soufflant. Frédéric, debout contre le poêle, contemplait les murs, l'étagère, le parquet, et des images charmantes défilaient dans sa mémoire, devant ses yeux plutôt. Enfin, il se retira. Un morceau de journal roulé en boule traînait par terre dans l'antichambre. Arnoux le prit, et se haussant sur la pointe des pieds, il l'enfonça dans la sonnette, pour continuer, dit-il, sa sieste interrompue. Puis, en lui donnant une poignée de main, « Avertissez le concierge, s'il vous plaît, que je n'y suis pas. » Et il referma la porte sur son dos violemment. Frédéric descendit l'escalier marche à marche. L'insuccès de cette première tentative le décourageait sur le hasard des autres. Alors commencèrent 3 mois d'ennui. Comme il n'avait aucun travail, son désœuvrement renforçait sa tristesse. Il passait des heures à regarder du haut de son balcon la rivière qui coulait entre les quais grisâtres, noircis, de place en place, par la bavure des égouts, avec un ponton de blanchisseuse amarré contre le bord, où des gamins quelquefois s'amusaient dans la vase à faire baigner un caniche. Ses yeux délaissant à gauche le pont de pierre de Notre-Dame et 3 ponts suspendus, se dirigeait toujours vers le quai aux Ormes, sur un massif de vieux arbres, pareil au tilleul du port de Montereau. La tour Saint-Jacques, l'hôtel de ville, Saint-Gervais, Saint-Louis, Saint-Paul se levaient en face, parmi les toits confondus, et le génie de la colonne de Juillet resplendissait à l'Orient comme une large étoile d'or, tandis qu'à l'autre extrémité, le dôme des Tuileries arrondissait sur le ciel sa lourde masse bleue. C'était par derrière, de ce côté-là, que devait être la maison de Madame Arnoux. Il rentrait dans sa chambre, puis, couché sur son divan, s'abandonnait à une méditation désordonnée, plan d'ouvrage, projet de conduite, élancement vers l'avenir. Enfin, pour se débarrasser de lui-même, il sortait. Il remontait, au hasard, le quartier latin, si tumultueux d'habitude, mais désert à cette époque, car les étudiants étaient partis dans leur famille. Les grands murs des collèges, comme allongés par le silence, avaient un aspect plus morne encore. On entendait toutes sortes de bruits paisibles, des battements d'ailes dans des cages, le ronflement d'un tour, le marteau d'un savetier. Et les marchands d'habits au milieu des rues interrogeaient de l'œil chaque fenêtre, inutilement. Au fond des cafés solitaires, la dame du comptoir bâillait entre ses carafons remplis. Les journaux demeuraient en ordre sur la table des cabinets de lecture. Dans l'atelier des repasseuses, des linges frissonnaient sous les bouffées du vent tiède. De temps à autre, ils s'arrêtaient à l'étalage d'un bouquiniste. Un omnibus, qui descendait en frôlant le trottoir, le faisait se retourner, et parvenu devant le Luxembourg, il n'allait pas plus loin. Quelquefois, l'espoir d'une distraction l'attirait vers les boulevards. Après de sombres ruelles exhalant des fraîcheurs humides, il arrivait sur de grandes places désertes, éblouissantes de lumière, et où les monuments dessinaient au bord du pavé des dentelures d'ombre noire. Mais les charrettes, les boutiques recommençaient, et la foule l'étourdissait, le dimanche surtout, quand, depuis la Bastille jusqu'à la Madeleine, c'était un immense flot ondulant sur l'asphalte, au milieu de la poussière, dans une rumeur continue. Il se sentait tout écœuré par la bassesse des figures, la niaiserie des propos, la satisfaction imbécile transpirant sur les fronts en sueur. Cependant, la conscience de mieux valoir que ces hommes atténuait la fatigue de les regarder. Il allait tous les jours à l'art industriel, et pour savoir quand reviendrait Madame Arnoux, il s'informait de sa mère très longuement. La réponse d'Arnoux ne variait pas. Le mieux se continuait. Sa femme, avec la petite, serait de retour la semaine prochaine. Plus elle tardait à revenir, plus Frédéric témoignait d'inquiétude, si bien qu'Arnoux, attendri par tant d'affection, l'emmena 5 ou 6 fois dîner au restaurant. Frédéric, dans ses longs tête-à-tête, reconnut que le marchand de peinture n'était pas fort spirituel. Arnoux pouvait s'apercevoir de ce refroidissement, et puis c'était l'occasion de lui rendre un peu ses politesses. Voulant donc faire les choses très bien, il vendit à un brocanteur tous ses habits neufs, moyennant la somme de 80 francs, et l'ayant grossi de 100 autres qui lui restaient, il vint chez Arnoux le prendre pour dîner. Regimbard s'y trouvait. Ils s'en allèrent aux trois frères provençaux. Le citoyen commença par retirer sa redingote, et sûr de la déférence des deux autres, écrivit la carte. Mais il eut beau se transporter dans la cuisine pour parler lui-même au chef, descendre à la cave dont il connaissait tous les coins, et faire monter le maître de l'établissement, auquel il donna un savon, il ne fut content ni des mets, ni des vins, ni du service. À chaque plat nouveau, à chaque bouteille différente, dès la première bouchée, la première gorgée, il laissait tomber sa fourchette ou repoussait au loin son verre. Puis, s'accoudant sur la nappe de toute la longueur de son bras, il s'écriait qu'on ne pouvait plus dîner à Paris. Enfin, ne sachant qu'imaginer pour sa bouche, Regimbard se commanda des haricots à l'huile, tout bonnement, lesquels, bien qu'à moitié réussis, l'apaisèrent un peu. Puis il eut avec le garçon un dialogue, roulant sur les anciens garçons des Provençaux. Qu'était devenu Antoine ? Et un nommé Eugène ? Et Théodore, le petit, qui servait toujours en bas ? Il y avait dans ce temps-là une chair autrement distinguée, et des têtes de Bourgogne comme on n'en reverra plus. Ensuite, il fut question de la valeur des terrains dans la banlieue, une spéculation d'Arnoux infaillible. En attendant, il perdait ses intérêts. Puisqu'il ne voulait vendre à aucun prix, Regimbard lui découvrirait quelqu'un, et ces deux messieurs firent avec un crayon des calculs jusqu'à la fin du dessert. On s'en alla prendre le café, passage du saumon, dans un estaminet à l'entresol. Frédéric assista, sur ses jambes, à d'interminables parties de billard, abreuvées d'innombrables chopes, et il resta là, jusqu'à minuit, sans savoir pourquoi, par lâcheté, par bêtise, dans l'espérance confuse d'un événement quelconque favorable à son amour. Quand donc la reverrait-il ? Frédéric se désespérait. Mais un soir, vers la fin de novembre, Arnoux lui dit « Ma femme est revenue hier, vous savez. » Le lendemain, à 5 heures, il entrait chez elle. Il débuta par des félicitations à propos de sa mère, dont la maladie avait été si grave. « Mais non, qui vous l'a dit ? Arnoux ?» Elle fit un « A » léger, puis ajouta qu'elle avait eu d'abord des craintes sérieuses, maintenant disparues. Elle se tenait près du feu, dans la bergère de tapisserie. Il était sur le canapé avec son chapeau entre ses genoux. Et l'entretien fut pénible, elle l'abandonnait à chaque minute. Il ne trouvait pas de joint pour y introduire ses sentiments. Mais, comme il se plaignait d'étudier la chicane, elle répliqua « Oui, je conçois, les affaires. » En baissant la figure, absorbé tout à coup par des réflexions. Il avait soif de les connaître et même ne songeait pas à autre chose. Le crépuscule l'amassait de l'ombre autour d'eux. Elle se leva, ayant une course à faire, puis reparut avec une capote de velours et une mante noire bordée de petits gris. Il osa offrir de l'accompagner. On n'y voyait plus. Le temps était froid et un lourd brouillard estompant la façade des maisons puait dans l'air. Frédéric le humait avec délice, car il sentait à travers la ouate du vêtement la forme de son bras, et sa main, prise dans un grand chamois à deux boutons, sa petite main qu'il aurait voulu couvrir de baisers, s'appuyait sur sa manche. À cause du pavé glissant, ils oscillaient un peu. Il lui semblait qu'ils étaient tous les deux comme bercés par le vent, au milieu d'un nuage. L'éclat des lumières sur le boulevard le remit dans la réalité. L'occasion était bonne, le temps pressait. Il se donna jusqu'à la rue de Richelieu pour déclarer son amour. Mais presque aussitôt, devant un magasin de porcelaine, elle s'arrêta net en lui disant « Nous y sommes, je vous remercie. À jeudi, n'est-ce pas, comme d'habitude ?» Les dîners recommencèrent. Et plus il fréquentait Madame Arnoux, plus ses langueurs augmentaient. La contemplation de cette femme l'énervait, comme l'usage d'un parfum trop fort. Cela descendit dans les profondeurs de son tempérament et devenait presque une manière générale de sentir, un mode nouveau d'exister. Les prostituées qu'il rencontrait au feu du gaz, les cantatrices poussant leurs roulades, les écuyères sur leurs chevaux au galop, les bourgeoises à pied, les grisettes à leurs fenêtres, toutes les femmes lui rappelaient celle-là, par des similitudes ou par des contrastes violents. Il regardait, le long des boutiques, les cachemires, les dentelles et les pendeloques de pierreries, en les imaginant drapées autour de ses reins, cousue à son corsage, faisant des feux dans sa chevelure noire. À l'éventaire des marchandes, les fleurs s'épanouissaient pour qu'elle les choisît en passant. Dans la montre des cordonniers, les petites pantoufles de satin à bordure de cygne semblaient attendre son pied. Toutes les rues conduisaient vers sa maison. Les voitures ne stationnaient sur les places que pour y mener plus vite. Paris se rapportait à sa personne, et la grande ville avec toutes ses voix bruissait, comme un immense orchestre, autour d'elle. Quand il allait au jardin des plantes, la vue d'un palmier l'entraînait vers des pays lointains. Ils voyageaient ensemble, au dos des dromadaires, sous le dentelet des éléphants, dans la cabine d'un yacht parmi les archipels bleus, ou côte à côte, sur deux mulets à clochettes, qui trébuchent dans les herbes contre les colonnes brisées. Quelquefois, il s'arrêtait au Louvre devant de vieux tableaux, et son amour l'embrassant jusque dans les siècles disparus, il la substituait au personnage des peintures. Coiffée d'un hennin, elle priait à deux genoux derrière un vitrage de plomb, seigneuresse des Castilles ou des Flandres. Elle se tenait assise, avec une fraise empesée et un corps de baleine à gros bouillons. Puis, elle descendait quelque grand escalier de porphyre, au milieu des sénateurs, sous un dais de plumes d'autruche, dans une robe de brocart. D'autres fois, il la rêvait en pantalon de soie jaune, sur les coussins d'un harem, et tout ce qui était beau, le scintillement des étoiles, certains airs de musique, l'allure d'une phrase, un contour, l'amenait à sa pensée d'une façon brusque et insensible. Quant à essayer d'en faire sa maîtresse, il était sûr que toute tentative serait vaine. Un soir, Dithmer, qui arrivait, la baisa sur le front. Le Varias fit de même en disant « Vous permettez, n'est-ce pas, selon le privilège des amis ?» Frédéric balbutia « Il me semble que nous sommes tous des amis. »« Pas tous des vieux, » reprit-elle. C'était le repousser d'avance, indirectement. Que faire, d'ailleurs ? Lui dire qu'il l'aimait, elle les conduirait sans doute, ou bien, s'indignant, le chasserait de sa maison. Or, il préférait toutes les douleurs à l'horrible chance de ne plus la voir. Il enviait le talent des pianistes, les balafres des soldats. Il souhaitait une maladie dangereuse, espérant de cette façon l'intéresser. Une chose l'étonnait, c'est qu'il n'était plus jaloux d'Arnoux, et il ne pouvait se la figurer autrement que vêtu, tant sa pudeur semblait naturelle et reculait son sexe dans une ombre mystérieuse. Cependant, il songeait au bonheur de vivre avec elle, de la tutoyer, de lui passer la main sur les bandeaux longuement ou de se tenir par terre, à genoux, les deux bras autour de sa taille, à boire son âme dans ses yeux. Il aurait fallu, pour cela, subvertir la destinée. Et, incapable d'action, maudissant Dieu et s'accusant d'être lâche, il tournait dans son désir comme un prisonnier dans son cachot. Une angoisse permanente l'étouffait. Il restait pendant des heures immobile, ou bien il éclatait en larmes. Et un jour qu'il n'avait pas eu la force de se contenir, Des Lauriers lui dit « Mais, Saprelotte, qu'est-ce que tu as ?» Frédéric souffrait des nerfs. Des Lauriers n'en crut rien. Devant une pareille douleur, il avait senti se réveiller sa tendresse, et il le réconforta. Un homme comme lui se laissait abattre, quelle sottise ! Passe encore dans la jeunesse, mais plus tard, c'est perdre son temps. Tu me gâtes, mon Frédéric. Je redemande l'ancien. Garçon, toujours du même. Il me plaisait. Voyons, fume une pipe, animal. Secoue-toi un peu, tu me désoles. C'est vrai, dit Frédéric, je suis fou. Leclerc reprit. Ah, vieux troubadour, je sais bien ce qui t'afflige. Le petit cœur, avoue-le. Bah. Une de perdue, quatre de trouvée. On se console des femmes vertueuses avec les autres. Veux-tu que je t'en fasse connaître, des femmes ? Tu n'as qu'à venir à l'Alhambra. C'était un bal public ouvert récemment en haut des Champs-Élysées et qui se ruina dès la seconde saison par un luxe prématuré dans ce genre d'établissement. On s'y amuse à ce qu'il paraît. Allons-y. Tu prendras tes amis si tu veux. Je te passe même Regimbard. Frédéric n'invita pas le citoyen. Des Lauriers se priva de Sénécal. Ils emmenèrent seulement Hussonnet et Sisy avec Dussardier, et le même fiacre les descendit tous les cinq à la porte de l'Alhambra. Deux galeries mauresques s'étendaient à droite et à gauche parallèlement. Le mur d'une maison en face occupait tout le fond, et le quatrième côté, celui du restaurant, figurait un cloître gothique à vitraux de couleur. une sorte de toiture chinoise abritait l'estrade où jouaient les musiciens. Le sol autour était couvert d'asphalte, et des lanternes vénitiennes accrochaient des poteaux formés de loin sur les quadrilles une couronne de feu multicolore. Un piédestal, çà et là, supportait une cuvette de pierre d'où s'élevait un mince filet d'eau. On apercevait dans les feuillages des statues en plâtre, ébées ou cupidons tout gluants de peinture à l'huile. Et les allées nombreuses, garnies d'un sable très jaune soigneusement ratissé, faisaient paraître le jardin beaucoup plus vaste qu'il ne l'était. Des étudiants promenaient leurs maîtresses, des commis en nouveauté se pavanaient une canne entre les doigts, des collégiens fumaient des régalias, de vieux célibataires caressaient avec un peigne leur barbe teinte. Il y avait des Anglais, des Russes, des gens de l'Amérique du Sud, trois orientaux en tarbouche, des lorettes, des grisettes, et des filles étaient venues là, espérant trouver un protecteur, un amoureux, une pièce d'or, ou simplement pour le plaisir de la danse. Et leurs robes à tuniques vert d'eau, bleues, cerises ou violettes passaient, s'agitaient entre les ébéniers et les lilas. Presque tous les hommes portaient des étoffes à carreaux, quelques-uns des pantalons blancs, malgré la fraîcheur du soir. On allumait les becs de gaz. Hussonnet, par ses relations avec les journaux de mode et les petits théâtres, connaissait beaucoup de femmes. Il leur envoyait des baisers par le bout des doigts, et de temps à autre, quittant ses amis, allait causer avec elle. Deslauriers fut jaloux de ses allures. Il aborda cyniquement une grande blonde vêtue de nankin. Après l'avoir considérée d'un air maussade, elle dit « Non, pas de confiance, mon bonhomme », et tourna les talons. Il recommença près d'une grosse brune, qui était folle sans doute, car elle bondit dès le premier mot en le menaçant, s'il continuait, d'appeler les sergents de ville. Deslauriers s'efforça de rire, puis, découvrant une petite femme assise à l'écart sous un réverbère, il lui proposa une contredanse. Les musiciens, juchés sur l'estrade, dans des postures de singe, raclaient et soufflaient impétueusement. Le chef d'orchestre, debout, battait la mesure d'une façon automatique. On était tassé, on s'amusait. Les brides dénouées des chapeaux effleuraient les cravates, les bottes s'enfonçaient sous les jupons, tout cela sautait en cadence. Deslauriers pressait contre lui la petite femme et, gagné par le délire du cancan, se démenait au milieu des quadrilles comme une grande marionnette. Sizi et Dussardier continuaient leur promenade. Le jeune aristocrate lorgnait les filles et, malgré les exhortations du commis, n'osait leur parler, s'imaginant qu'il y avait toujours chez ces femmes-là un homme caché dans l'armoire avec un pistolet et qui en sort pour vous faire souscrire des lettres de change. Ils revinrent près de Frédéric. Deslauriers ne dansait plus, et tous se demandaient comment finir la soirée quand Hussonnet s'écria « Tiens, la marquise d'Amégui !» C'était une femme pâle, à nez retroussé, avec des mitaines jusqu'au coude et de grandes boucles noires qui pendaient le long de ses joues, comme deux oreilles de chien. Hussonnet lui dit « Nous devrions organiser une petite fête chez toi, un raout oriental. Tâche d'herboriser quelques-unes de tes amies pour ces chevaliers français. » « Eh bien, qu'est-ce qui te gêne? Attendras-tu ton hidalgo ?» L'Andalouse baissait la tête. Sachant les habitudes peu luxueuses de son amie, elle avait peur d'en être pour ses rafraîchissements. Enfin, au mot d'argent lâché par elle, Sizi proposa 5 napoléons, toute sa bourse. La chose fut décidée. Mais Frédéric n'était plus là. Il avait cru reconnaître la voix d'Arnaud, avait aperçu un chapeau de femme, et il s'était enfoncé bien vite dans le bosquet à côté. Mademoiselle Batnaz se trouvait seule avec Arnaud. « Excusez-moi, je vous dérange ?»« Pas le moins du monde, » reprit le marchand. Frédéric, au dernier mot de leur conversation, comprit qu'il était accouru à l'Alhambra pour entretenir Mademoiselle Batnaz d'une affaire urgente. Et sans doute Arnaud n'était pas complètement rassuré, car il lui dit d'un air inquiet « Vous êtes bien sûr ?»« Très sûr, on vous aime. » « Ah, quel homme !» Et elle lui faisait la moue, en avançant ses grosses lèvres, presque sanguinolentes à force d'être rouges. Mais elle avait d'admirables yeux, fauves, avec des points d'or dans les prunelles, tout plein d'esprit, d'amour et de sensualité. Ils éclairaient comme des lampes le teint un peu jaune de sa figure maigre. Arnoux semblait jouir de ses rubis fades. Il se pencha de son côté en lui disant « Vous êtes gentil, embrassez-moi. » Elle le prit par les deux oreilles et le baisa sur le front. À ce moment, les danses s'arrêtèrent, et à la place du chef d'orchestre,

J'en ai besoin, dit Frédéric, grand besoin. Et l'autre, ayant répété la même excuse, il s'emporta. Tu pourrais bien, quelquefois. Quoi donc? Rien. Le clerc avait compris. Il leva sur sa réserve la somme en question, et quand il l'eut versée pièce à pièce, « Je ne te réclame pas de quittance puisque je vis à tes crochets. » Frédéric lui sauta au cou, avec 1000 protestations affectueuses. Des Lauriers resta froid. Puis, le lendemain, apercevant l'ombrelle sur le piano, « Ah, c'était pour cela. »« Je l'enverrai peut-être, » dit lâchement Frédéric. Le hasard le servit, car il reçut, dans la soirée, un billet bordé de noir, et où Madame d'Ambreuse, lui annonçant la perte d'un oncle, s'excusait de remettre à plus tard le plaisir de faire sa connaissance. Il arriva dès 2 heures au bureau du journal. Au lieu de l'attendre pour le mener dans sa voiture, Arnaud était parti la veille, ne résistant plus à son besoin de grand air. Chaque année, aux premières feuilles, durant plusieurs jours de suite, il décampait le matin, faisait de longues courses à travers champs, buvait du lait dans les fermes, batifolait avec les villageoises, s'informait des récoltes et rapportait des pieds de salade dans son mouchoir. Enfin, réalisant un vieux rêve, il s'était acheté une maison de campagne. Pendant que Frédéric parlait au commis, Mademoiselle Batenaz survint et fut désappointée de ne pas voir Arnoux. Il resterait là-bas encore 2 jours peut-être. Le commis lui conseilla d'y aller. Elle ne pouvait y aller. D'écrire une lettre, elle avait peur que la lettre ne fût perdue. Frédéric s'offrit à la porter lui-même. Elle en fait une rapidement et le conjura de la remettre sans témoin. 40 minutes après, il débarquait à Saint-Cloud. La maison, 100 pas plus loin que le pont, se trouvait à mi-hauteur de la colline. Les murs du jardin étaient cachés par 2 rangs de tilleuls et une large pelouse descendait jusqu'au bord de la rivière. La porte de la grille étant ouverte, Frédéric entra. Arnaud, étendu sur l'herbe, jouait avec une portée de petits chats. Cette distraction paraissait l'absorber infiniment. La lettre de Mademoiselle Batenaz le tira de sa torpeur. « Diable, diable, c'est ennuyeux. Elle a raison, il faut que je parte. » Puis, ayant fourré la missive dans sa poche, il prit plaisir à montrer son domaine. Il montra tout, l'écurie, le hangar, la cuisine. Le salon était à droite, et du côté de Paris donnait sur une varangue en treillage, chargée d'une clématite. Mais au-dessus de leur tête, une roulade éclata. Madame Arnoux, se croyant seule, s'amusait à chanter. Elle faisait des gammes, des trilles, des arpèges. Il y avait de longues notes qui semblaient se tenir suspendues. D'autres tombaient précipitées, comme les gouttelettes d'une cascade. Et sa voix, passant par la jalousie, coupait le grand silence et montait vers le ciel bleu. Elle cessa tout à coup quand M. et Mme Oudry, deux voisins, se présentèrent. Puis elle parut elle-même au haut du perron, et comme elle descendait les marches, il aperçut son pied. Elle avait de petites chaussures découvertes en peau mordorée, avec 3 pattes transversales, ce qui dessinait sur ses bas un grillage d'or. Les invités arrivèrent, sauf Maître le Faucheur, avocat. C'étaient les convives du jeudi. Chacun avait apporté quelques cadeaux. Dittmer, une écharpe syrienne, Rosenwald, un album de romance, Burieux, une aquarelle, son base, sa propre caricature, et Pellerin, un fusain, représentant une espèce de danse macabre, hideuse fantaisie d'une exécution médiocre. Hussonnet s'était dispensé de tout présent. Frédéric attendit après les autres pour offrir le sien. Elle l'en remercia beaucoup. Alors il dit « Mais c'est presque une dette. J'étais si fâché. » « De quoi donc ? » reprit-elle. « Je ne comprends pas. » « À table, » fit Arnoux en le saisissant par le bras. Puis, dans l'oreille, « Vous n'êtes guère malin, vous. » Rien n'était plaisant comme la salle à manger peinte d'une couleur vert d'eau. À l'un des bouts, une nymphe de pierre trempait son orteil dans un bassin en forme de coquille. Par les fenêtres ouvertes, on apercevait tout le jardin avec la longue pelouse que flanquait un vieux pin d'Écosse aux 3/4 dépouillé. Des massifs de fleurs la bombaient inégalement, et au-delà du fleuve se développaient en large demi-cercle le bois de Boulogne, Neuilly, Sèvres, Meudon. Devant la grille, en face, un canot à la voile prenait des bordées.

quand les jurés sont pâles et que la foule haletante fait craquer les cloisons du prétoire, parlant depuis 4 heures déjà, résumant toutes ses preuves, en découvrant de nouvelles, et sentant à chaque phrase, à chaque mot, à chaque geste, le couperet de la guillotine suspendu derrière lui se relever. Puis, à la tribune de la chambre, orateur qui porte sur ses lèvres le salut de tout un peuple, noyant ses adversaires sous ses prosopopées, les écrasant d'une riposte, avec des foudres et des intonations musicales dans la voix, ironique, pathétique, emportée, sublime. Elle serait là, quelque part, au milieu des autres, cachant sous son voile ses pleurs d'enthousiasme. Ils se retrouveraient ensuite, et les découragements, les calomnies et les injures ne l'atteindraient pas si elle disait « Ah, cela est beau !» en lui passant sur le front ses mains légères. Ces images fulguraient comme des phares à l'horizon de sa vie. Son esprit, excité, devint plus leste et plus fort. Jusqu'au mois d'août, il s'enferma et fut reçu à son dernier examen. Des lauriers qui avaient eu tant de mal à lui seriner encore une fois le deuxième à la fin de décembre et le troisième en février, s'étonnaient de son ardeur. Alors, les vieux espoirs revinrent. Dans 10 ans, il fallait que Frédéric fût député, dans 15, ministre, pourquoi pas. Avec son patrimoine qu'il allait toucher bientôt, il pouvait d'abord fonder un journal. Ce serait le début, ensuite on verrait. Quant à lui, il ambitionnait toujours une chaire à l'école de droit, et il soutint sa thèse pour le doctorat d'une façon si remarquable qu'elle lui valut les compliments des professeurs. Frédéric passa la sienne 3 jours après. Avant de partir en vacances, il eut l'idée d'un pique-nique pour clore les réunions du samedi. Il s'y montra gai. Madame Arnoux était maintenant près de sa mère à Chartres, mais il la retrouverait bientôt et finirait par être son amant. Des Lauriers, admis le jour même à la Parlotte d'Orsay, avait fait un discours fort applaudi. Quoiqu'il fût sobre, il se grisa et dit au dessert à Dussardier « Tu es honnête, toi. Quand je serai riche, je t'instituerai mon régisseur. » Tous étaient heureux. Sisy ne finirait pas son droit. Martinon allait continuer son stage en province où il serait nommé substitut. Pellerin se disposait à un grand tableau figurant le génie de la Révolution. Hussonnet, la semaine prochaine, devait lire au directeur des délassements le plan d'une pièce et ne doutait pas du succès. « Car la charpente du drame, on me l'accorde, les passions, j'assais rouler ma bosse pour m'y connaître. » Quant au trait d'esprit, c'est mon métier. » Il fit un saut, retomba sur les deux mains et marcha quelque temps autour de la table, les jambes en l'air. Cette gaminerie ne dérida pas Sénécal. Il venait d'être chassé de sa pension pour avoir battu un fils d'aristocrate. Sa misère augmentant, il s'en prenait à l'ordre social, maudissait les riches. Il s'épancha dans le sein de Regimbard, lequel était de plus en plus désillusionné, attristé, dégoûté. Le citoyen se tournait maintenant vers les questions budgétaires et accusait la Camarilla de perdre des millions en Algérie. Comme il ne pouvait dormir sans avoir stationné à l'estaminet Alexandre, il disparut dès 11 heures. Les autres se retirèrent plus tard, et Frédéric, en faisant ses adieux à Hussonnet, apprit que Madame Arnoux avait dû revenir la veille. Il alla donc aux messageries changer sa place pour le lendemain, et vers 6 heures du soir se présenta chez elle. Son retour, lui dit le concierge, était différé d'une semaine. Frédéric dîna seul, puis flâna sur les boulevards. Des nuages roses en forme d'écharpe s'allongeaient au-delà des toits. On commençait à relever les tentes des boutiques. Des tombereaux d'arrosage versaient une pluie sur la poussière, et une fraîcheur inattendue se mêlait aux émanations des cafés, laissant voir par leurs portes ouvertes, entre des argenteries et des dorures, des fleurs en herbe qui se miraient dans les hautes glaces. La foule marchait lentement. Il y avait des groupes d'hommes causant au milieu du trottoir, et des femmes passaient, avec une mollesse dans les yeux, et ce teint de camélia que donne aux chairs féminines la lassitude des grandes chaleurs. Quelque chose d'énorme s'épanchait, enveloppait les maisons. Jamais Paris ne lui avait semblé si beau. Il n'apercevait, dans l'avenir, qu'une interminable série d'années toutes pleines d'amour. Il s'arrêta devant le théâtre de la Porte Saint-Martin à regarder l'affiche, et par désœuvrement prit un billet. On jouait une vieille féerie. Les spectateurs étaient rares, et dans les lucarnes du paradis, le jour se découpait en petits carrés bleus, tandis que les quinquets de la rampe formaient une seule ligne de lumière jaune. La scène représentait un marché d'esclaves à Pékin, avec clochettes, tam-tam, sultanes, bonnets pointus et calembours. Puis, la toile baissée, il erra dans le foyer, solitairement, et admira sur le boulevard au bas du perron un grand landau vert, attelé de deux chevaux blancs, tenu par un cocher en culotte courte. Il regagnait sa place quand, au balcon, dans la première loge d'avant-scène, entrèrent une dame et un monsieur. Le mari avait un visage pâle, bordé d'un filet de barbe grise, la rosette d'officier, et cet aspect glacial qu'on attribue aux diplomates. Sa femme, de 20 ans plus jeune pour le moins, ni grande ni petite, ni laide, ni jolie, portait ses cheveux blonds tirebouchonnés à l'anglaise, une robe à corsage plat et un large éventail de dentelles noires. Pour que des gens d'un pareil monde fussent venus au spectacle dans cette saison, il fallait supposer un hasard, ou l'ennui de passer leur soirée en tête à tête. La dame mordillait son éventail et le monsieur bâillait. Frédéric ne pouvait se rappeler où il avait vu cette figure. À l'entracte suivant, comme il traversait un couloir, il les rencontra tous les deux. Sur le vague salut qu'il fit, M. d'Ambreuse, le reconnaissant, l'aborda et s'excusa, tout de suite, de négligence impardonnable. C'était une allusion aux cartes de visite nombreuses envoyées d'après les conseils du clerc. Toutefois, il confondait les époques, croyant que Frédéric était à sa seconde année de droit. Puis, il l'envia de partir pour la campagne. Il aurait eu besoin de se reposer, mais les affaires le retenaient à Paris. Madame d'Ambreuse, appuyée sur son bras, inclinait la tête légèrement, et l'aménité spirituelle de son visage contrastait avec son expression chagrine de tout à l'heure. « On y trouve pourtant de belles distractions, » dit-elle, au dernier mot de son mari. « Comme ce spectacle est bête, n'est-ce pas, monsieur ?» Et tous trois restèrent debout, à cause des théâtres et pièces nouvelles. Frédéric, habitué aux grimaces des bourgeoises provinciales, n'avait vu chez aucune femme une pareille aisance de manière, cette simplicité qui est un raffinement, et où les naïfs aperçoivent l'expression d'une sympathie instantanée. On comptait sur lui dès son retour. M. d'Ambreuse le chargea de ses souvenirs pour le père Roch. Frédéric ne manqua pas, en rentrant, de conter cet accueil à Deslauriers. « Fameux, reprit le clerc, et ne te laisse pas entortiller par ta maman, reviens tout de suite. » Le lendemain de son arrivée, après leur déjeuner, Madame Moreau emmena son fils dans le jardin. Elle se dit heureuse de lui voir en état, car il n'était pas aussi riche que l'on croyait. La terre apportait peu, les fermiers payaient mal. Elle avait même été contrainte de vendre sa voiture. Enfin, elle lui exposa leur situation. Dans les premiers embarras de son veuvage, un homme astucieux, M. Roch, lui avait fait des prêts d'argent, renouvelés, prolongés malgré elle. Il était venu les réclamer tout à coup, et elle avait passé par ses conditions en lui cédant à un prix dérisoire la ferme de Presles. 10 ans plus tard, son capital disparaissait dans la faillite d'un banquier à Melun. Par horreur des hypothèques et pour conserver les apparences utiles à l'avenir de son fils, comme le père Roch se présentait de nouveau, elle l'avait écouté encore une fois. Mais elle était quitte maintenant. Bref, il leur restait environ 10 000 francs de rente, dont 2 300 à lui, tout son patrimoine. « Ce n'est pas possible !» s'écria Frédéric. Elle eut un mouvement de tête signifiant que cela était très possible. Mais son oncle lui laisserait quelque chose. Rien n'était moins sûr. Et ils firent un tour de jardin, sans parler. Enfin, elle l'attira contre son cœur et d'une voix que les larmes étouffaient. « Ah, mon pauvre garçon, il m'a fallu abandonner bien des rêves. » Il s'assit sur le banc à l'ombre du grand acacia. Ce qu'elle lui conseillait, c'était de se mettre clair chez Maître Prouaram, avoué, lequel lui céderait son étude. S'il la faisait bien valoir, il pourrait la revendre et trouver un bon parti. Frédéric n'entendait plus. Il regardait machinalement par-dessus la haie dans l'autre jardin en face. une petite fille d'environ 12 ans, et qui avait les cheveux rouges, se trouvait là, toute seule. Elle s'était fait des boucles d'oreilles avec des baies de sorbier. Son corset de toile grise laissait à découvert ses épaules, un peu dorées par le soleil. Des taches de confiture maculaient son jupon blanc. Il y avait comme une grâce de jeune bête sauvage dans toute sa personne, à la fois nerveuse et fluette. La présence d'un inconnu l'étonnait sans doute, car elle s'était brusquement arrêtée, avec son arrosoir à la main, en dardant sur lui ses prunelles d'un vert bleu limpide. « C'est la fille de Monsieur Rock, » dit Madame Moreau. « Il vient d'épouser sa servante et de légitimer son enfant.